إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يوثقوا البيوع فيما بينهم، إما بالكتابة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأمر بالإشهاد، فقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأمر أن نوثق الحقوق بالرهان لا سيما في السفر، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. ثم إنه تعالى أمر بأمر آخر فوق ذلك كله، قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أيها المسلمون، فإذا أمنكم إخوانكم على حق بينكم وبينه، لم يكن هناك كتابة ولا رهون ولا إشهاد، ولكنهم أمناكم واطمأنوا لإيمانكم وصدقكم، فإياكم أن تخونهم، وإياكم أن تسيئوا الظن بهم، وإياكم أن تكذبوا. فإن الله تعالى يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ليسدد الحقوق، ليوفي ما عليه من الحقوق، ليبرأ ذمته من حقوق الآخرين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. أيها المسلمون، إن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والأصل حرمة أموال المسلمين، وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné lors de nos transactions, que ce soit des transactions commerciales ou que ce soit un emprunt ou autre, de décrire cela sur écrit et de l'officialiser. Allah Azza wa Jalla a dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à échéance déterminée, c'est-à-dire lorsque vous empruntez de l'argent pour une durée déterminée, et que vous l'empruntez bien sûr chez votre frère qui accepte de vous aider, et non pas contracter cette dette auprès d'une banque ou auprès d'un organisme de prêt qui reverse ou qui demande de donner plus que ce qu'il a prêté, et c'est l'usure, et c'est la définition même de l'usure, celle qu'Allah Azza wa Jal a interdit dans son livre, et celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdite dans sa sunna authentique. Et celui qui commet un tel emprunt déclare la guerre à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Nous parlons donc de l'emprunt qui est appelé Al-Qard al-Hassan, l'emprunt que ton frère accepte de te donner sans contrepartie, que ce soit une contrepartie financière ou que ce soit un service ou autre. Il te prête de l'argent pour t'aider car tu es en difficulté, et ce qui t'incombe et ce qui est obligatoire pour toi, c'est de rendre cette même somme sans y rajouter un seul centime. Donc, lorsque vous contractez une dette à l'échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive. Et Allah Azza wa Jal nous a également autorisé de prendre un gage. Lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu as le droit de demander une garantie, qu'il te donne un de ses biens en guise de garantie si il était amené à ce qu'il ne puisse pas rembourser sa dette. Allah Azza wa Jal a dit, et si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, alors un gage reçu suffit. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné une chose beaucoup plus importante, au-dessus de toutes ces restrictions et de toutes ces recommandations, c'est de rendre ce que l'on a pris, c'est de restituer à celui qui nous a prêté son bien. Allah Azza wa Jal a dit, et s'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue. Lorsque ton frère te fait confiance et qu'il n'a demandé ni d'écrit et qu'il n'a demandé ni gage et qu'il n'a demandé ni témoin, alors restitue-lui son bien, restitue la somme qu'il t'a prêtée et prends garde à ne pas le trahir. Prends garde à ne pas penser du mal sur lui. Prends garde à ne pas renier cette dette dans le futur et à dire « tu ne m'as jamais prêté telle somme » ou de dire « en réalité tu ne m'as prêté que telle et telle somme et non pas celle que tu prétends ». Alors Azza wa Jalla dit « et s'il y a de la confiance réciproque entre vous, alors rendez le bien qui vous a été confié ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « les musulmans sont sacrés les uns envers les autres, leur sang, leur bien et leur honneur ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le discours de Hajjat al-Wada', le discours du pèlerinage à Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à plus de 100 000 personnes parmi ses compagnons radiallahu anhum et leur a dit, vos sangs, vos biens, vos honneurs sont interdits ou sont sacrés les uns vis-à-vis des autres. فَمِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ جُحُودِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ فتجحد ما في ذمتك وتنكر ما عليك من حق ومن أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم أن تماطل الوفاء أي أن توخر الوفاء فلا تعطي حقوقهم بطمئنانية نفس لكن تماطلهم عسى أن يرضوا منك باليسير ويقتنعوا منك باليسير فيسقطوا بعد ما عليك رجاء أن يحوزوا البقية فيسترجع أموالهم بجزء منها مقابل مماطلتك وتأخيرك للوفاء إذا ما أخذت من هذا فإنك أخذته بغير حق ظلما وعدوانا إذ الواجب عليك أن تسدد الحق وأن تؤدي فيما في ذمتك عن طوع واختيار. يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أيها المسلمون, أيها المسلم, فما في ذمتك من حقوق فأدها عن طيب نفس وعن رضا نفس. لا تجحد ولا تماطل ولا تضار صاحب الحق ولا تلجئه إلى شكاية ورفع الجهات المختصة ولا تتعبه وتشغله حتى يتعب منك وربما ترك حقه عجزا عن مطالبتك فتظن أن ذلك مباح لك والله يعلم أنه حرام عليك إذ الواجب أن تؤدي الحق بطيب نفس. يقول صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن قضيت الحسنات قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Et sachez que de renier un bien que l'on t'a confié ou un bien que l'on t'a prêté fait partie des grands péchés en islam et est considéré comme offenser une offense envers ton frère. Et de même, le fait de retarder un remboursement fait partie de l'offense envers le musulman. Tu dois donc rembourser ta dette si tu en as la possibilité, et de ne pas retarder le remboursement, de ne pas retarder l'échéance, en espérant que cette personne ne te demande plus la somme totale, mais t'en demande qu'une seule partie, afin de, soi-disant, soulager tes difficultés, alors qu'en réalité tu n'en as pas. Alors qu'en réalité tu ne veux pas rembourser la dette entièrement, tu préfères encore profiter de cet argent le plus longtemps possible, malgré qu'avant cela, vous vous étiez mis d'accord sur une échéance, sur une date limite, de retarder sans raison et de l'offense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: celui qui prend les biens des gens en voulant les rembourser, Allah remboursera pour lui, et celui qui les prend pour les gaspiller et pour les utiliser futilement, alors Allah Azza wa Jal le gaspillera. Rembourse donc tes dettes et n'arrive pas au point que la personne à qui tu dois de l'argent est fatiguée de te demander de lui rembourser, en a marre de toujours demander son bien, le bien qu'il t'a donné pour te rendre service, au point même que cette personne à qui tu dois de l'argent ne veut même plus entendre parler de cette somme. Et c'est alors à ce moment que tu croiras qu'enfin cette somme tu pourras l'utiliser à ta guise. Eh bien, sache que cet argent est interdit. Sache que cet argent est interdit pour toi, et en le consommant, cela revient à consommer de l'argent interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a une offense vis-à-vis de son frère, que ce soit de l'argent ou que ce soit en rapport avec son honneur, qu'il résolve son problème aujourd'hui. Le prophète Hassan a dit qu'il résolve son problème, qu'il résout cette, ou qu'il rembourse cette dette si c'est une dette, ou qu'il demande le pardon s'il a atteint son honneur aujourd'hui, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni dinar et ni dirham. Et ce jour sera le jour de la résurrection, où il n'y aura pas d'argent, mais il n'y aura que les bonnes et les mauvaises actions. Si cette personne qui devait de l'argent à des bonnes actions, eh bien on prendra de ses bonnes actions pour les donner à la personne envers qui il était redevable. Et s'il n'a plus de bonnes actions à son compte, alors on prendra des péchés de l'autre et on les versera sur lui. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ أَيُّهَا الْمُسْلِمِ فَأَبْرِ ذِمَّتَكَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَأَدِّهَا أَدَاءً كَامِلًا لَا وَلَا عُذْرَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُعْسِرًا عَاجِزًا عَنِ التَّسْدِيدِ. فالله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما إن كنت قادرا فأدي حق الحق فورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، اتقوا الله وأدوا في ذمة في ذمتكم من أموال ولو كان أقل من يورو، ولو ثمن خبزة أو بيضة أو أقل من ذلك، فإن ميزان الله عز وجل يحصي مثاقيل الذر، وليس ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وحقوق الآدميين لا تسقط إلا لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها. ولا تنتظر ممن أقرضك ماله أن يأتيك فيسألك حقه، فلربما منعه الحياء أو وكل أمرك إلى الله عز وجل. يقول الشاعر: نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي، فالدين أمره عظيم وخطره جسيم. يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فإذا كان الدين لا يغفره الله لمن قتل في سبيله، فكيف بمن هو ذلك، فكيف بمن هو دون ذلك. وفي حديث أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، أي وضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم قال سبحان الله ما أنزل من التشديد، سبحان الله ما أنزل من التشديد، سبحان الله ما أنزل من التشديد. فقال ابن جحش فسكتنا وفزعنا، أي سكتنا وخفنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب قوله. فلما كان الغد انتظروا إلى الغد، فسأل محمد بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه مسلم. Chers musulmans et musulmanes, rembourse les dettes que tu as dans leur totalité et tu n'auras aucune excuse auprès d'Allah Azzawajal si tu ne l'as pas fait, sauf dans un cas lorsque réellement tu es en difficulté, lorsque tu n'as réellement pas la possibilité de rembourser cette dette. Alors Allah Azzawajal a dit « Et si à celui qui est dans la gêne, accordez un sursis, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. » Allah Azzawajal s'adresse à ceux qui ont prêté de l'argent. Lorsque l'échéance arrive et que la personne qui vous doit de l'argent effectivement est dans le besoin et dans la difficulté, Allah Azzawajal nous ordonne de lui accorder un sursis jusqu'à ce qu'il ait l'aisance, jusqu'à ce qu'il ait de quoi rembourser sa dette. Il ne faut donc rien négliger et rembourser toutes les sommes, même si c'est une somme d'un euro, même si c'est le prix d'une baguette ou le prix d'un œuf, tu dois rembourser ta dette, car le jour du jugement, la balance ne laissera rien passer et ce jour-là, il n'y aura ni dirham, ni euro pour pouvoir rembourser sa dette, mais il n'y aura que les bonnes actions et les mauvaises. Et n'attends pas que celui à qui tu dois de l'argent vienne à toi pour te demander son dû. N'attends pas ce moment, car peut-être que cette personne a honte de te demander. Ou peut-être que cette personne à qui tu dois de l'argent se refuse à s'humilier et à devoir te demander, mais préfère remettre son chagrin à Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Un poète a dit tes yeux dorment mais l'offensé reste réveillé, il invoque sur toi et Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. L'endettement est donc quelque chose de très important, quelque chose de grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah pardonne aux martyrs tous les péchés sauf l'endettement, sauf la dette. Si Allah azzawajal ne pardonne pas la dette à celui qui est mort dans son sentier, à celui qui a sacrifié sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, que dire alors de ceux qui profitent de cet argent matin, midi et soir et qui n'ont aucun scrupule et qui n'ont aucun regret et qui n'ont aucune pitié mais vivent normalement comme si aucune somme ne leur avait été prêtée. Muhammad ibn Jahsh radiallahu anhu a dit nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé sa tête aux cieux, il a levé son visage au ciel et a posé sa main sur son front sallallahu alayhi wa sallam et a dit Gloire à Allah. Quelle est cette dureté qui vient d'être révélée? Quelle est cette dureté qui vient d'être révélée? Quelle est cette chose dure qui vient d'être révélée? Et Mohammed ibn Jahsh, ainsi que les compagnons qui étaient en sa présence, se sont tus. Ils étaient apeurés de cette réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'osaient même pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la cause et quelle est cette chose dure qui vient d'être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont attendu le lendemain. Mohammed ibn Jahsh n'a attendu que le lendemain. Il a dit, oh envoyé d'Allah, quelle est cette chose dure qui est descendue hier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si un homme était tué dans le sentier d'Allah, puis ressuscité, puis tué dans le sentier d'Allah, puis ressuscité, puis tué dans le sentier d'Allah, alors qu'il a une dette, il n'entrera au paradis que lorsque sa dette sera remboursée. وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من مات وعليه دين كما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليها قال صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحاكم في حديث جابر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أي الآن بردت جلد هذا الميت من العذاب الذي كان يصيبه في قبره والعياذ بالله. قال ابن حجر العسقلاني وفي هذا الحديث أشعار لصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة فإذا أردت أن تستدين مالا فلا تستدينه إلا لضرورة لا تجد حلا غير هذا فأمر الدين لا يستدين الإنسان ليذهب إلى العطلة وإلى الإجازة وإلى الأمور التي لا تعتبر من الضرورة تداين إذا لم تجد مالا لتنفق على أهلك ولم تجد سبيلا فحينئذ استدن واسأل واستعن بالله تبارك وتعالى أما أن تستدين حقوق الناس لتذهب هناك وهناك لتلعب هناك وهناك فهذا أمر لا يجوز في الإسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait de prier sur un mort qui était endetté. Salam ibn al-Akwa' rapporte: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on a apporté une dépouille. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, prie sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a-t-il laissé quelque chose? C'est-à-dire, a-t-il des biens? A-t-il laissé des biens à sa famille? Ils ont répondu non. A-t-il des dettes? Ils ont répondu oui, il a 3 dinars de dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors à ses compagnons, priez sur votre compagnon. Priez-vous sur votre compagnon. Quant à moi, je ne prierai pas sur lui. Abu Qatada, qui était présent, a dit, prie sur lui, ô envoyé d'Allah, et je me charge de rembourser sa dette. Sa dette m'incombe désormais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de prier. Et dans une version de Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada, lui disait, qu'as-tu fait des dinars? Qu'as-tu fait des dinars? Les as-tu remboursés? Les as-tu remboursés? Jusqu'à ce que Abu Qatada radiallahu anhu a dit, je les ai remboursés, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est maintenant que sa peau s'est rafraîchie. C'est-à-dire la peau de ce défunt qui était châtié dans sa tombe, wal'iyadu billah. Ce n'est que lorsque sa dette a été remboursée que sa peau a pu connaître la fraîcheur, c'est-à-dire elle n'était plus châtiée par le feu. Et Al-Hafidh ibn Hajar radiallahu anhu wa rahimah a dit, il y a dans ce hadith la gravité de l'endettement et qu'il est interdit d'être endetté sauf en cas de force majeure. Sauf en cas de force majeure, que dire de toutes ces personnes qui, à l'approche des grandes vacances, n'hésitent pas à emprunter de l'argent à un tel et un tel pour pouvoir payer son voyage, pour pouvoir payer son voyage sous les tropiques, pour pouvoir bronzer au soleil et nager dans la mer. Ceci est interdit en islam. Tu dois t'endetter, ou il t'est autorisé de t'endetter, lorsque cela est un cas de force majeure, lorsque tu n'as plus d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille et que tu n'as trouvé aucune solution et aucune source d'argent que de t'en remettre à tes frères et de demander à ce qu'ils te prêtent de l'argent en ayant l'intention, bien sûr, de rembourser ses dettes. Et combien de personnes n'ont aucun scrupule à partir en vacances alors qu'elles sont endettées jusqu'au cou? Prive-toi de 2 ou 3 ans de vacances pour travailler, économiser et rembourser tes dettes, car les dettes sont quelque chose de très grave en islam. Et si tu meurs dans cet état, et si tu n'as pas proclamé ou si tu n'as pas informé tes proches que tu dois telle ou telle somme à telle personne, et que tu meurs sans en avoir informé quiconque, et que cette personne à qui tu donnes de l'argent ne te pardonne pas, n'as-tu pas peur de rester ou d'être privé de l'entrée au paradis à cause d'une centaine ou à cause de quelques centaines d'euros ou quelques dizaines d'euros? Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahibakum mahbousun anil jannati bidayni wa an abi hurayrata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فهذه الحديث العظيمة القاطعة بعظم ذنب من مات وعليه دين كفيلة بردع كل قلب يشم رائحة الإيمان ومحذرة كل التحذير أن يأخذ المسلم مال أخيه لا يريد أداءه. فقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وكيف تسمح للإنسان نفسه أن يجحد سلف أخيه أو أن يماطله في ذلك والمقرض فعل ذلك إحسانا وقربة؟ قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وقال صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي الدين بأكثر مما استدان منه ويضاعف له الوفاء ويدعو له كما قال جابر رضي الله عنه كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. Il est hadith qui met en garde contre l'endettement sont très nombreux. Parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois en s'adressant à ses compagnons, votre compagnon, un tel, a été empêché d'entrer au paradis à cause de ses dettes. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'âme du croyant est suspendue à cause de sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. Tous ces hadiths montrent donc la gravité de l'endettement et sont un rappel suffisant pour celui qui a de la foi dans son cœur pour mettre en garde contre l'endettement et de recourir à cette solution qu'en cas de force majeure. Et cela met en garde également ceux qui empruntent de l'argent chez les gens en ayant l'intention de ne pas le rembourser ou en ayant l'intention, avant même de l'avoir pris, de prévoir de le rembourser dans 2 ou 3 ans, voire dans 5-6 ans. Comment est-ce qu'une personne peut s'autoriser à elle-même le fait de renier un prêt ou le fait de le retarder alors que celui qui t'a prêté l'argent l'a fait de façon bienfaisante et l'a fait pour te rendre service? Est-ce que c'est comme ça qu'on répond à un service qu'on te rend? Allah Azza wa Jalla dit, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. La récompense de la bienfaisance, n'est-ce pas la bienfaisance? Lorsque tu étais dans le besoin et que tu es parti voir cette personne qui a eu pitié de toi et qui s'est rappelé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage de prêter de l'argent à son frère qui est en difficulté, et que celui qui prête une somme d'argent, cela revient à donner en aumône la moitié de cette somme qui te rend service. Et en retour, tu retardes le remboursement. Et en retour, tu nies la somme qu'il t'a prêtée ou une partie de cette somme. N'as-tu pas honte de réagir comme ça? Allah Azza wa Jalla s'adresse à toi en disant, la récompense de la bienfaisance n'est-elle pas la bienfaisance? أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أين نحن من ذلكم الرجل الذي قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فوجد، فقال ذلك الشخص ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، لم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة فيها العقد إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر إلى البحر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى له 1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. رواه البخاري. Comparé à cet homme dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de son histoire dans un hadith authentique, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme parmi les fils d'Israël qui était dans le besoin et qui a demandé à d'autres personnes parmi les fils d'Israël de lui prêter 1000 dinars. Il a trouvé une personne qui a accepté de lui prêter. Et cet homme lui a dit, où sont les témoins? Apporte-moi les témoins pour qu'ils témoignent de cette somme que je vais te prêter. Et cet homme a dit, Allah suffit comme témoin. Puis l'homme a dit, apporte-moi un garant qui se porterait garant de cette somme au cas où tu ne la rembourserais pas. Et l'homme a dit, Allah suffit comme garant. Et cet homme a dit, tu as dit vrai. Il lui a alors prêté les 1000 dinars pour une durée bien déterminée. Et l'homme est sorti en mer, celui qui a emprunté l'argent, est sorti en mer lors de l'échéance, car il habitait, il devait traverser une mer pour rembourser la dette de cet homme. Et le jour de l'échéance, ou quelques temps avant l'échéance, il est parti au bord de la mer en espérant trouver une embarcation qui puisse l'emmener jusqu'à la personne qui lui a prêté. Il n'a pas trouvé d'embarcation. Il a alors pris un bout de bois ou un morceau de bois qu'il a percé et dans lequel il a introduit les 1000 dinars et une feuille ou la feuille du contrat, une feuille explicative au destinataire, lui expliquant que cette somme est la dette que je te devais et qu'il n'avait pas trouvé de moyen de locomotion pour restituer cette dette en temps et en heure. Il s'est positionné devant la mer et a dit, « Oh Allah, tu sais que j'ai emprunté 1000 dinars. » Et cet homme m'a demandé un garant. Je lui ai dit que tu étais le garant. Il a accepté. Il m'a demandé un témoin. Je lui ai dit qu'Allah suffit comme témoin. Il a accepté et j'ai fait tout mon possible pour trouver l'embarcation afin de rembourser ma dette. Mais je n'ai pas trouvé. Je mets alors où je place ma confiance en toi. Il a alors jeté ce morceau de bois à la mer. Puis est parti. Il est parti en continuant à chercher une embarcation. Il n'est pas rentré chez lui en dormant sur ses lauriers. Il a fait ce qu'il avait fait, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a continué à chercher une embarcation qui puisse l'emmener jusqu'à cette personne. Et l'homme qui a prêté est sorti le jour convenu. Regardez à l'horizon, s'il ne voyait pas une embarcation qui arrivait avec la somme qu'il avait prêtée, il n'a rien vu. La seule chose qu'il a vue, c'est un morceau de bois qui flottait sur la mer. Il l'a pris comme un bois à chauffer, un bois à brûler pour se chauffer ou pour chauffer sa famille. Et lorsqu'il a pris ce morceau de bois et qu'il l'a coupé afin de le mettre à brûler, il a découvert ses 1000 dinars. Il a découvert cette feuille. Et peu de temps après, l'homme qui était endetté a trouvé une embarcation et s'est rendu chez cette personne en s'excusant, en disant qu'il n'avait pas trouvé d'embarcation. C'est pour cela qu'il avait du retard. Et l'homme lui a dit, n'as-tu rien envoyé? N'as-tu rien envoyé qui m'a été destiné? L'homme lui a dit, je viens de te dire que je n'ai pas trouvé de moyen de locomotion et tu me demandes si je t'ai fait parvenir quelque chose. Et l'homme a dit, car suite à cette réponse, il a su que cet homme avait lancé ce morceau de bois, mais n'aurait jamais imaginé que ce morceau de bois allait arriver chez son destinataire. Il lui a alors dit, sache qu'Allah a remboursé pour toi et que le morceau de bois que tu m'as envoyé est arrivé chez moi. Retourne donc avec les 1000 dinars avec lesquels tu es venu. Retourne en toute sérénité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم اقض عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. وأقم الصلاة. الله أكبر.